sou ke tchatche wa sonne a son pour honorer les loyaux. Dans bala wè to kote ou yé même engagé. Wa sonne a son, wa son de djebo pour honorer les loyaux. Ezuli dans to kote ou yé même engagé. Ezuli ciel, terre, soleil. C'est petit nagom, c'est petit qui n'est en yé pas ça fait moins. Aïe moi c'est garçon, moins pour tes consommes, c'est pas pour tes toiles. C'est petit nagom, c'est petit qui n'est en yé pas ça fait moins. Aïe moi c'est garçon, moins pour tes consommes, c'est pas pour tes toiles. Mes amis, ciel, terre, soleil. Boloko, Bota Guinée, Bota Guinée fort, nous c'est coulade. Vivi Dodola, Vivi Dodola, Vivi ou manger maman, Vivi ou manger papa, Vivi Dodola, Vivi Dodola. I know. petite papa.